Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté les chantiers de construction de l'avenue de Myon pour appeler vivement tous les militaires et autres bâtisseurs à terminer à tout prix la construction avant la journée du soleil, pour manifester parfaitement la puissance de la Corée Juche et son potentiel national. Il a été accompagné des cadres responsables du comité central du parti et du comité des affaires d'État. Promenant ses regards avec un large sourire sur des édifices surgis comme bambous après la pluie, le maréchal Kim Jong-un a déclaré très satisfait que la forme gigantesque de l'avenue de Myon a fait son apparition en moins d'une année et qu'une vitesse de construction mystérieuse est créée grâce aux bâtisseurs de l'avenue de Myon qui impriment des essors tempétueux pour appliquer le grandiose dessein du parti en matière de construction avec leur grand dévouement et persévérance. Le commandant suprême Kim Jong-un s'est tout d'abord arrêté devant le tableau panoramique à vol d'oiseau et la maquette de l'avenue pour écouter l'explication, avant de faire le tour de divers endroits des chantiers pour s'informer des détails de la construction. Il a dit « En direction du palais du soleil de Kumsusan, les immeubles sont construits respectivement bas, bois, voire et coquet, en restant sur le principe de respect. » Alors qu'en direction du monument à l'éternité au carrefour de Ryonghong, des gratte-ciels sont disposés symboliquement de façon intensive pour former un grand groupe architectural somptueux. Plusieurs quartiers résidentiels dont chacun s'en orgueille de ses particularités sont constitués dans l'avenue de Myon, donnant l'impression de plusieurs avenues. Pour faire de Ryumyeon une avenue économisant l'énergie et verte, on a adopté largement des techniques pour l'économie électrique susceptibles d'utiliser efficacement l'énergie naturelle, surtout les rayons solaires et la géothermie, ainsi que des techniques de bâtiments verts, notamment les techniques de jardinage aux toits et murs. Au rez-de-chaussée et sur les toits de plusieurs immeubles sont plantés des arbres et pelouses. Cela interceptera les rayons solaires et empêchera la hausse de la température intérieure du bâtiment en été, et par contre, en hiver, cela jouera un rôle de conservation de chaleur très utile à la prévention de baisse de la température intérieure, sans parler de la protection de l'environnement. C'est appréciable que l'on a installé aussi le système d'usage des eaux de pluie qui seront stockées dans les réservoirs souterrains pour arroser les serres et espaces verts sur les toits. Les gratte-ciels sont spectaculaires. Surtout, l'immeuble à 69 étages est formidable. Le plus haut édifice de notre pays est surgi dans l'avenue de Myon. Le rez-de-chaussée, qui est beau à voir et stable, aménagé au pied du gratte-ciel, ainsi que ses établissements de services publics particuliers, me plaisent beaucoup. L'appartement composé du salon, des chambres pour parents et couples, de la bibliothèque, de la cuisine, etc. est irréprochable. Les vérandas sont munis des stores et les chambres des doubles fenêtres de façon à intercepter l'infiltration de l'air chaud en été et de l'air froid en hiver. Sans parler des nouveaux édifices et pensionnats de l'université Kim Il-sung, les travaux des établissements de services publics dont crèches, écoles maternelles, blanchisseries, cordonneries et postes sont aussi à l'étape finale dans les quartiers résidentiels. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a donné des instructions précieuses relatives à l'achèvement des travaux, notamment procéder soigneusement à l'organisation des travaux et au ravitaillement de main-d'œuvre, machines et matériel sur la base des plans minutieux, accélérer les travaux intérieurs et extérieurs des bâtiments au niveau qualitatif suprême, livrer avec responsabilité les premiers essais des systèmes électriques, de chauffage et de canalisation d'eau potable et des eaux usées, promouvoir simultanément le jardinage et l'aménagement des alentours d'immeubles et prendre des mesures nécessaires pour protéger et entretenir bien les logements et établissements de services publics munis des techniques de l'architecture verte. Regardons avec satisfaction le panorama des chantiers de construction de l'avenue de Myon qui montre l'idée originale du parti sur l'esthétique architecturale à la coréenne et les avantages de notre régime socialiste. Le maréchal Kim Jong-un a déclaré que c'est un endroit qui manifeste le moral inflexible de tous les militaires et civils qui édifient eux-mêmes avec fierté un paradis terrestre du meilleur peuple du monde, ainsi que l'esprit de la Corée du Tse avançant comme ouragan et la civilisation socialiste de plus en plus haute. Et de continuer. La construction de l'avenue du Myon en cours dans les pressions militaires et embargo désespérés des ennemis déterminés à nous barrer la route à tout prix est un duel entre le socialisme et l'impérialisme, non pas une simple construction. À travers ces travaux, il a été confirmé de nouveau qu'aucun embargo ni pression ne peuvent empêcher la progression victorieuse de nos militaires et civils marchant de l'avant tout droit sur le chemin qu'ils ont choisi eux-mêmes. Ces dernières années, nous avons mis sur pied les avenues au niveau mondial toutes les années, et maintenant, nous livrons par nos propres forces techniques et matérielles les travaux de l'avenue du Myon incomparablement énormes par rapport aux avenues anciennes, vu la dimension et la quantité de travaux. Voilà la démonstration de la force irrésistible de l'union de nos militaires et civils faisant bloc autour du parti, et aussi de la force nationale inépuisable et limitée de la Corée du Tse. Une fois achevée l'avenue du Myon symbolisant la civilisation suprême, la force de l'esprit de se renforcer par soi-même de notre République fera de nouveau l'objet d'admiration du monde entier. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a estimé les chantiers de construction de l'avenue du Myon comme un champ de bataille faisant preuve de l'esprit invincible de la Corée socialiste en progression vigoureuse à l'époque du Parti du Travail et a invité vivement tous les bâtisseurs à s'engager farouchement à l'offensive finale pour achever sans condition les travaux avant la journée du soleil.